consulter la programmation des spectacles à venir sur lepaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on ouvre l'émission avec un extrait du tout nouvel album de Nine Skies. C'est le 4e album pour cette formation française et le titre est The Light Maker. On aura la pièce de Lost avec comme invité le chanteur Christopher Gildenlow, ex Pain of Salvation. Je pense qu'il fait partie du groupe de 1994 à 2006, sauf erreur. Et on aura d'Allemagne un second extrait du nouvel album de Sub Signal. L'album a pour titre A Poetry of Rain et on aura la pièce Sliver. Et Marc, après, ben, on passe au Royaume-Uni. Oui, en effet, on a pour vous un nouvel extrait du nouvel album de Bruce Sword, mieux connu comme membre fondateur de Pineapple Thief. Et donc, c'est tiré de son nouvel album Luminescence, qui est paru le 22 septembre, son 3e en carrière solo. On aura pour vous ce soir la pièce Never Ending Light, et ce sera suivi d'un nouvel extrait du nouvel album de Sphératons, qui est une formation italienne, des musiciens qui jouaient ensemble depuis les années 70, et dont leur premier album était paru en 2016. C'est ici leur 3e album, qui a pour titre Audi et Amo, et on aura pour vous la pièce titre. Et pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation française Nine Skies. My heart is heavy in this cold winter. I am a wanderer, I am nobody, I'm lost. A sweet, sweet lullaby coming from a music. Rocking chair and the smell of a hot cup. Bitter days become the norm, sharpening in the mirror. Devils in the corridor, I can face it, fearsome. He's running away, the solution. Anyway, that's all I found. Shattered myself until dawn. Get out of hand, the perfect storm. Feelings are disunited, lovers calling for each other. Collapsing in paradox and luxury, twirling together to infinity. He's running away, the only solution. Oh, that is all that I've found. Shattered myself until dawn. Perfect storm. Well, all these memories gathered in this perfect storm. A wind will come around to carry them home. The child inside of me used to be so happy. Today is wandering through a field of broken toys. I'm falling down, down, nothing else but wandering. Show me a light, mommy, just a twinkling. I'm falling down, down, nothing left but wandering. Stand the truth, as right as the rain now. I can't stand the truth, so pray for me, mommy. Show me a light. empty, filled with charming void, eyes of dreams, hypnotic emptiness. Eternal road, am I looking for a meaning or for peace of mind? My light always appears at night, dark mane and black eyes. Is this my spirit and body dancing under the moon, begging for redemption? Wandering until dawn. No streams. No sounds. Nothing at all. Just echoes and commotion. Short love. Nothing lost. No. Sounds just echoes and commotion. Missing nobody got lost in the desert of thought. Miles and miles of fears. Missing nobody got lost. Nothing at all, just echoes and commotion. You're lost. Where I

la Ligue d'improvisation de Québec, c'est LA sortie culturelle abordable à ne pas manquer. Tous les mardis 20h au Palais Montcalm, venez voir naître sous vos yeux des histoires loufoques, touchantes ou hilarantes. Chaque représentation est unique, mais les rires sont garantis à tous les mardis. Pour un spectacle d'improvisation théâtrale de haut calibre et de qualité professionnelle à Québec, essayez la LIC. Visitez le improlic.com pour vous procurer des billets ou pour plus d'informations. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock avec Andy Summers du groupe The Police. Pour cette visite solo à Québec, le guitariste à la signature unique et photographe de grand talent conjuguera ses deux passions dans un concert où il interprétera ses grands succès, incluant ceux de The Police, avec en arrière-plan des projections de ses meilleurs clichés. Le 7 octobre, entrez dans l'univers d'Andy Summers au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Des enjeux mondiaux aux nouvelles méconnues mais pas moins importantes, en passant par des sujets inusités, à Carte du Monde, on analyse les questions de l'heure avec nos chroniqueurs et invités afin de comprendre ce qui se passe sur le globe. Avec Dominique Harvey et Emmanuel Deprado, les mardis 9h en rediffusion les samedis 14h. Carte du Monde, l'actualité internationale autrement. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On poursuit Terra Incognita, cette fois-ci, en se rendant du côté de la France avec un groupe qui a pour nom Plus 33. C'est le projet du pianiste Didier Griot, un pianiste de formation classique. Ça, on le découvre assez rapidement à l'écoute de cet album. Un musicien qui, à la fin des années 90, a mis sur pied le groupe Outside. Un premier album est paru en 1998 sous le titre de Outside. Et 4 ans plus tard, le groupe présentait, c'est-à-dire en 2002, l'album Freedom. Par la suite, le claviériste a formé le groupe de Fortuitous Encounters et un album est paru en 2012 sous le titre de Next Flight to Somewhere. Finalement, il met sur pied le groupe Plus 33 et un premier disque est proposé en 2020 sous le titre de Open Window. En juin dernier, c'était le tour de l'album I Want et on va voir un extrait de cet album. Et en fait, c'est une version raccourcie d'une pièce épique de près de 20 minutes qui a pour titre « To Have ». Pour les besoins de la cause, on vous présente la seconde partie de cette pièce qui est bien représentative, je trouve, là, des influences, des sources d'inspiration du pianiste, c'est-à-dire le progressif, le jazz et le classique. Et Marc, par la suite, on se dirige vers le Royaume-Uni. Oui, et plus particulièrement dans la région de Londres, en Angleterre, donc avec la formation Hats Off, Gentlemen, It's Adequate. Et c'est tiré de leur nouvel album, leur 7e en carrière, qui est paru au début septembre et qui a pour titre The Light of Ancient Mistakes. On aura pour vous la pièce Walking to Aldebaran et ce sera suivi de la formation Imaginary Kings. Ils sont également du Royaume-Uni et c'est tiré de leur nouvel album Safer in Chains, leur 3e en carrière. Le groupe est constitué de Peter Rand aux guitares et claviers, et de Nick Denordeau aux batteries et percussions. Alors on aura pour vous ce soir la pièce Checkmate. Mais pour débuter, comme vous le disait Michel, on y va du côté de la France avec la formation Plus 33. Thank you. didn't mention getting lost and eating corpses. When I was at astronaut school, if 7-year-old me was told, he'd be huddled in the cold, trying to digest long-dead explorers. Maybe I'd have said train driver instead. I used to talk to myself to keep me sane, but I think we've moved a bit beyond that, don't you? As I'm the only human here, I get to pick the names. Maybe I'm too sentimental, but the Caterpillar men are now Clive! Telling jokes to monkey and sex cyborg things. I only want to talk. Let's engage like civilized monsters. What's for tea? Air dried flank of Clive. Mother machine takes me apart and builds me back cell by cell. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL 89.1. C'est si beau et un endroit parfait pour en profiter est le Domaine Maizeray. Le Centre de valorisation du patrimoine vivant vous y convie pour la 32e édition de son festival Les Rendez-vous Estrades. Du 6 au 9 octobre, ce sera le meilleur moment de l'année à Québec pour entendre de la musique traditionnelle, chanter et danser. Procurez-vous dès maintenant votre passeport en pré-vente et découvrez notre programmation complète au cvpv.net. À l'Action de grâce au Domaine Maizeray, on fête nos traditions. L'émission Illusion d'Itier vous revient avec une équipe composée de Jean-François Lamar, France Carrier et Jacques Dulac. Les animateurs seront appuyés par des chroniqueurs qui aiment partager leur passion de la musique. Daniel Gagné avec son ABC du vinyle et Louis Hamel qui nous offre chaque vendredi une nouvelle anecdote musicale sur notre page Facebook. Illusion auditive, ce sont des spéciaux sur des artistes marquants, des thématiques, des entrevues, des sujets reliés à la musique et bien sûr le rock des années 60 à aujourd'hui, sous toutes ses formes, ou presque. Tous les samedis, de 19h à 21h. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation québécoise Amadriade. Ils sont de la région de Montréal. Et ce sera ici un extrait de leur troisième album. Ils en ont quatre en carrière. Celui-là est paru en 2010 et a pour titre Intrusion. Leur plus récent est paru en 2017 et a pour titre Black Hole. Alors donc, de Intrusion, on aura la pièce Torture Zone. On aura également une pièce du tout premier album de la formation italienne Unreal City. C'était l'album La Crudeltà di Aprile, paru en 2013. Ils ont trois albums à leur actif, dont le plus récent est paru en 2017. Et on devrait éventuellement avoir un nouvel album de cette formation, peut-être en 2024. On aura également, parlant de l'Italie, un extrait d'un excellent album de la formation Oak, Oscillazioni Alchemico Creative. Et c'est l'artiste Jerry Cotillo qui est derrière ce projet. Ils ont quatre albums à leur actif et on aura ici un extrait de leur second qui a pour titre Giordano Bruno, qui est mon préféré de cette formation, et la pièce Circe. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec une excellente formation de la Finlande. Lorsqu'on parle de la Finlande, on pense tout de suite à The Samurai of Prague, mais ce pays scandinave nous a quand même donné d'autres groupes, que l'on pense à Overhead et Milady, un groupe que Marc et moi apprécions particulièrement. Trois albums à sa feuille de route, le premier paru en 2015 sous le titre de Milady. 2018, il présente Toinen Toista. Et en 2021, malheureusement ça fait déjà deux ans, le groupe présentait son troisième disque intitulé Aina Vienta. Et d'ailleurs c'est un extrait de cet album qu'on va écouter, et c'est la pièce Duadi.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. À Télé-Québec, vivez un automne. Attache ta tuque avec la broche, parce que ça va brasser tout à l'heure. Hors de l'ordinaire. Oh! Audacieux. Oh mon Dieu, x4. Déconcertant. Ben voyons! Ouvre les yeux, prends des grandes respirations. À Télé-Québec, vivez un automne pleinement assumé. Je suis complètement déstabilisé. Je me calme. Un automne wow. Que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je trouve ça fou raide. Vivez l'expérience. À longueur de semaine. À Télé-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Il Cerchio d'Oro, le Cercle d'Or. Le groupe s'était formé au départ en 1974 et n'avait pas disqué dans les années 70. Ils se sont reformés en 2005 et ont fait paraître jusqu'à maintenant 5 albums. Dont le plus récent, Pangea e la Tre Lune, est paru au mois de mai cette année. On aura ici ce soir pour vous un extrait du second album, Il Viaggio di Colombo, donc le voyage de Christophe Colomb, et ce sera justement la pièce Colombo qu'on aura pour vous. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec un extrait d'un projet solo d'un artiste qui vient d'annoncer le retour sur scène après plusieurs années de son groupe qui n'a pas fait paraître d'album depuis plusieurs années. Oui, la nouvelle est peut-être un peu surprenante parce que le groupe en question, c'est Birdfish, qui n'a pas présenté d'album depuis 2015. C'était l'album Plus 4626 Comfort Zone, le 8e album de Birdfish. Par la suite, Ricard Sauge-Bloom s'est joint à Big Big Train et les activités semblaient plus qu'enveilleuses, mais semble-t-il que ça va reprendre du service bientôt. Ceux qui ont eu le grand plaisir de voir Birdfish à l'œuvre dans le cadre du festival Terra Incognita se rappellent encore avec beaucoup de plaisir cette prestation. Et espérons qu'on aura un jour l'occasion de les revoir. Mais en attendant, nous, on va écouter ce soir un extrait de l'album On Her Journey to the Sun, paru en 2017 sous le nom de Ricard Sauge-Bloom, Gangfly. Thank you. destino a così deciso, portandomi sul mare. Pour conclure l'émission ce soir, on a choisi le groupe Singularity, groupe américain qui a présenté dans les années 2000 trois albums. On aura un extrait de Between Sunlight and Shadow qui est paru en 2002. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous évidemment la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.